Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un véhicule qu'on connaît très bien ici, l'Opel Grandland. Oui, mais pas n'importe lequel. On va parler d'une version très, très spécifique. Exactement. Le 1.5 diesel 130 chevaux et surtout en finition Ultimate. C'est ça. C'est vraiment la finition qui change tout sur ce modèle. Notre objectif, c'est de décortiquer ce que Ultimate veut dire concrètement. Au-delà de la brochure, quoi. Alors, allons-y. Cette promesse Ultimate, justement, elle se place au-dessus des autres finitions, GS Line, Elegance, Business. Tout à fait. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Bon, on voit tout de suite l'esthétique, les jantes en alliage de 18 pouces, la sellerie qui est quand même très haut de gamme. Oui, mais ça, c'est la partie visible. Ce qui est intéressant et ce qui ressort de tous les essais, c'est que ça va plus loin que l'apparence. Ah oui. C'est une question d'ambiance, de confort global. Je pense par exemple au siège avant chauffant. On pourrait se dire que c'est un gadget, mais en fait, combiné à la climatisation automatique Bizone, ça crée un vrai cocon. Surtout pour les trajets quotidiens en hiver, on est d'accord. Exactement. C'est ce genre de détail qui vous fait sentir que vous êtes un cran au-dessus. D'accord. Donc on a un confort ressenti qui est premium. Mais quid de la technologie? C'est souvent là que le bad blesse sur les modèles généralistes. Alors, c'est un point très intéressant. L'écran tactile, Apple CarPlay, Android Auto, tout ça y est. Oui, ça, c'est la base aujourd'hui. C'est devenu incontournable. Mais là où ce Grandland se démarque vraiment, c'est sur les aides à la conduite. C'est-à-dire? Le régulateur de vitesse adaptatif, par exemple. Il est d'une douceur remarquable. Ça rend les longs trajets sur autoroute beaucoup, beaucoup plus sereins. Et ça, c'est un vrai plus pour la sécurité. Absolument. Et je ne parle même pas des feux. Elle est des directionnels et adaptatifs. Ah, ça, sur les petites routes de campagne la nuit. C'est le jour et la nuit, sans mauvais jeu de mots. On a aussi, bien sûr, les aides au stationnement, la caméra de recul, les radars avant et arrière. C'est très complet. Parlons un peu du cœur de la bête. Le moteur. Ce fameux 1.5 diesel de 130 chevaux, associé à la boîte automatique. Un duo très efficace. C'est un moteur qu'on connaît bien, très sobre, très doux, parfait pour une utilisation polyvalente, non? C'est exactement ça. C'est un excellent compromis. Il a suffisamment de puissance pour être à l'aise partout, que ce soit en ville ou sur autoroute. Et il reste très économique. Extrêmement économique. C'est vraiment le choix judicieux pour qui cherche un SUV spacieux sans pour autant sacrifier le budget carburant. D'ailleurs, le modèle que nous avons ici, pour information, a été mis en circulation en juillet 2022. Oui, et il a 65 600 km. Et l'entretien est parfaitement à jour, avec une dernière révision qui court jusqu'en août 2025. Donc, aucune surprise. Aucune. Donc, si on résume, confort, modernité, beaucoup d'espace et un moteur économique. C'est un peu le véhicule qui coche toutes les cases. C'est tout à fait ça. En fait, ce Grandland Ultimate, il vient flirter avec les prestations du segment supérieur. Sans en avoir le prix, on imagine. C'est un excellent compromis entre un style affirmé, un confort vraiment haut de gamme et des performances routières très, très sûres. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse très complète. Avec plaisir. On voit bien que c'est un modèle très abouti. Et pour conclure, peut-être une petite pensée. Ce type de véhicule nous amène à nous interroger sur ce que signifie le luxe automobile aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément le logo sur la calandre ou est-ce que c'est plutôt la sérénité d'un trajet qui est confortable, sécurisé et au final économique? C'est une excellente question pour la route. Voilà. Ce Grandland suggère que la réponse penche de plus en plus vers la seconde option. À bientôt. À bientôt.